ce vendredi à La Vie en BD. Découverte et exploration intime et sexuelle, un magazine BD jeunesse, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on porte un regard sur deux projets radicalement différents. Je pense que vous l'avez bien compris dans l'introduction. Alors, en deuxième moitié d'émission, on portera un regard sur un nouveau magazine jeunesse qui a été lancé par les éditions Rémi Paradis. Ça s'appelle The Kelvin Mag. Évidemment, c'est en lien avec le projet The Kelvin qui est porté par le duo Mabel-Ele depuis déjà quelques années. Des projets qui ont été amenés en auto-édition, en publication web et qui, donc, trouvent une nouvelle extension en format magazine. Alors, on va en profiter d'un côté pour se faire une petite mise à jour sur The Kelvin. Vous les avez sûrement croisés dans un salon du livre XY ou Z. Ils font beaucoup d'événementiels en parallèle de leur production auto-éditée. Et on parlera également, justement, de la branche magazine qui vient de se développer à l'invitation de Rémi Paradis. Alors donc, Léon Leclerc sera avec nous en deuxième moitié d'émission. Il y aura également Marco Duchesne qui viendra nous partager quelques commentaires BD. Et en première partie, donc dans quelques minutes, on aura l'occasion d'échanger avec Jean-Louis Tripp autour de son livre Extase, premier tome en fait, où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X. Alors un récit à caractère autobiographique dans lequel Jean-Louis Tripp nous entraîne dans son passé sexuel, dans sa découverte de la sexualité, dans sa découverte de l'intimité également, donc de la petite enfance jusqu'à, on l'imagine aujourd'hui au fil des quatre tomes. Mais pour le premier, c'est vraiment justement la découverte, les premiers contacts, le premier grand amour, etc., etc. Donc, ils viennent un peu placer les choses et c'est une exploration vraiment surprenante. En fait, un livre très beau que j'ai eu l'occasion de découvrir au fil de la lecture et on aura l'occasion justement d'en parler dans quelques minutes avec l'auteur. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et dans l'actualité, cette semaine, peut-être deux mentions québécoises pour commencer. Tout d'abord, vous l'avez sûrement vu passer, Québec, ville de littérature selon l'UNESCO. Ville de Québec qui compte 200 auteurs, 20 librairies, 20 éditeurs, une maison de la littérature, un festival de livres, romans, poésie, un mois de la poésie, un festival de bande dessinée, un salon du livre, une revue littéraire, etc., etc., des spectacles littéraires aussi. Bref, une scène littéraire assez grouillante. Et donc, tout ça, ça a amené la vieille capitale à être désignée le 30 octobre dernier comme ville de littérature par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, c'est-à-dire l'UNESCO. C'est d'ailleurs la première ville francophone du monde à recevoir ce titre. Donc, ville créative, ville de littérature. Essentiellement, le réseau des villes créatives de l'UNESCO rassemble à peu près 116 membres dans 150 quatre pays environ. Montréal, quant à elle, qui est l'autre cité au Québec à appartenir au réseau des villes créatives et villes du design depuis 2006. Pour ce qui est de villes de littérature, il y en a que 21 pays à travers le monde qui en connaissent l'honneur. Et sinon, autre nouvelle québécoise, les prix du gouverneur général pour la littérature ont été donnés. Pas de prix BD de ce côté-là, mais par contre, il y a un prix pour la littérature jeunesse qui a été donné à Jacques Goldstein pour son Azada. Félicitations à lui. Sinon, autre nouvelle, mais on tombe du côté international, côté prix entre autres. La Fondation Konishi, dont la mission est de soutenir les traducteurs japonais et français, de même que l'ambassade du Japon en France, ont décidé de lancer un nouveau prix, le prix Konishi de la traduction de manga japonais en français. Une récompense qui sera offerte de façon biannuelle, donc qui complémenterait, si on peut dire, les d'autres prix d'édition et de traduction, surtout littéraire franco-japonaise. Alors, pour le prix 2018, qui est donc décerné un titre paru entre octobre 2015 et septembre 2016, eh bien, on parle de 10 titres qui sont en compétition. Je vous mentionne simplement les noms, les titres. Donc, Born to be on Air, Shisakobe, Le Club des Divorcés, Dead Dead Demons, Dead Destruction, Golden Kamuy, Innocent, One Punch Man, Père et Fils, Perfect World et Takane et Anna. Alors, l'annonce du lauréat sera effectuée pendant le prochain festival d'Angoulême. Donc, peut-être un autre petit lot de nominés, tiens, avant de tomber vers d'autres sujets. Alors, la ville de Genève va décerner le 1er décembre 3 prix pour la bande dessinée. Alors, qui succédera à Peggy Adam? Prix Rodolphe Toffer 2016 qui avait et ou sinon aux autres titres qui ont remporté. Donc Peggy Adam, c'était pour plus ou moins l'hiver. Il y avait Catherine Meurice pour La Légèreté et Camille Valeton pour Speculum Mortis. Alors pour le prix Genève, donc les auteurs locaux. On parle de Yanis Lamachia pour des bâtisseurs, Baladi pour Voix douce, Pascal Maté pour Les Têtards. Pour le prix international, c'est Panama Al Brown d'Alex W. Inker et Jacques Goldstein chez Sarbacane, La Terre des Fils de JP et Scalp d'Hugues Micolle, tous deux chez Futuropolis. Et le prix de la bande dessinée jeune, pour jeunesse en fait, c'est Hugo Baud pour The Magic Cornflakes, Sam Fagnert pour Modern Days livre 1 et Béridris Milon pour Constellation familiale. Alors, voilà pour ces quelques petits clins d'œil. On s'en va maintenant en musique. La formation qui nous accompagne cette semaine s'appelle Light Shift, avec un album qui s'appelle Up, Down, Wait. On écoute un premier extrait. Toujours dans la 8-bit côté musique ici à La Vie en BD. Alors on poursuit cette émission avec une première rencontre. Alors une rencontre autour d'un livre qui s'appelle Extase, donc premier tome où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X. C'est chez Casterman, c'est un ouvrage de Jean-Louis Tripp et il est avec nous pour en parler. Jean-Louis Tripp, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, votre récit, si on peut dire, en termes du grand sujet donc qui est autour de la sexualité, de la découverte de la sexualité, de l'intimité, j'ai l'impression que c'est un sujet qui, encore aujourd'hui, à certains égards, pour certaines personnes, ça demeure quand même un peu un tabou, donc l'appropriation, d'une certaine manière, de la sexualité. Et c'est pour ça que ce livre est un livre politique. J'insiste là-dessus, parce que je viens de faire une tournée de promotion de 2 mois en France, dans laquelle j'ai passé mon temps à répéter ça, donc je vais maintenant le répéter depuis que je suis rentré au Québec, parce que ce livre, effectivement, à cause de ce que vous venez de dire, souffre, si j'ose dire, du fait qu'il y a des images. C'est une bande dessinée, donc il y a des images. Et comme j'ai choisi de dessiner les choses telles qu'elles se passent dans la vraie vie, de montrer la sexualité telle qu'elle se passe dans la vraie vie, évidemment, on voit des images qu'on n'est pas habitué de voir autrement que dans des livres pornographiques, si vous voulez, ou érotiques, ou voilà. Aujourd'hui, on a le choix, en fait, pour montrer ce qu'il y a de sexuel dans une histoire de vie, et il y a du sexe dans à peu près toutes les histoires de vie, en tout cas on l'espère, pour la santé mentale des gens. Hein. Donc quand on raconte une histoire dans laquelle, à un moment donné, il est censé y avoir une scène de sexe, on a le choix entre deux représentations quand il y a de l'image. Soit on fait une ellipse, donc on montre un plan sur la fenêtre avec la lune, ou on montre éventuellement des bobettes sur le tapis, ou alors on va au mieux montrer des ombres chinoises ou des gros plans de corps, etc., etc. Mais on ne verra jamais les parties sexuées des corps. Mmh. Hein, on l'est encore moins en action. Donc soit on a cette ellipse, ou alors de l'autre côté, on a la pornographie. Et la pornographie n'est pas faite pour raconter une histoire de la vraie vie, puisque la pornographie, ça n'est pas la vraie vie, c'est une représentation de la vie qui est faite uniquement pour exciter, qui s'adresse à notre cerveau reptilien. C'est pas un jugement que je porte, c'est juste un constat, hein, c'est ça. Voilà. Oui, ben en fait, il y a une distinction entre la sexualité fantasmée puis la sexualité telle qu'elle est, dans ses beaux moments, comme dans sa gêne, comme dans ses malaises. Exactement. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans Extase. Et donc, le montrer de cette façon-là, c'est-à-dire en montrant les choses telles qu'elles sont, en représentant les choses telles qu'elles sont vraiment, mais inclus dans un récit. Enfin, il n'y a rien de gratuit dans Extase, hein. Tout est toujours contextualisé. Et en plus, je parle essentiellement des émotions que l'on ressent dans ces moments-là. Voilà, j'essaye de toujours accorder les choses à un vécu précis, à des émotions, à des pensées qui nous traversent, à des angoisses, à des élans d'enthousiasme, etc., etc. Effectivement. Et donc, voilà, ça, c'est une représentation qui n'existe pas, ou pratiquement pas. Oui, puis en fait, à la limite, ça devient difficile quand on construit nous-mêmes notre réflexion, si on peut dire, par rapport à la sexualité. Comme vous dites, en fait, ça reste omniprésent, mais que ce soit par son absence ou sa présence, ça reste très présent dans la construction qui on est. Et des fois, on a tendance à mettre de côté peut-être un peu cette dimension-là quand on revient sur notre évolution, notre progression dans nos souvenirs, alors que le moment où on se découvre nous-mêmes est aussi important que d'autres moments où on fait d'autres types de découvertes, si on peut dire. Voire plus dans certains cas. Bien entendu, c'est absolument essentiel. Enfin, l'être humain est une espèce à la reproduction sexuée. Donc nous reproduisons par la sexualité, et la raison, l'appât qui nous donne envie de nous reproduire, c'est parce que c'est bon, c'est parce que c'est agréable. Or, on vit dans une, donc c'est quelque chose d'absolument essentiel, puisque quand même l'être humain recherche le plaisir, fondamentalement. On cherche les choses qui sont les plus agréables. On sait, par exemple, les expériences ont été faites là-dessus, que le cerveau va toujours choisir, dans une situation donnée, il va toujours choisir la chose la plus agréable à faire. S'il y a le choix entre plusieurs choses, il va toujours choisir celle qui est le plus agréable. Donc, bon, c'est quand même un moteur essentiel. Mais en même temps, nous vivons dans une société dans laquelle le plaisir est suspect, le plaisir est pas bien, le plaisir, on doit être coupable quand on a du plaisir. Ça, c'est toute la morale judéo-chrétienne, mais on peut l'élargir, hein, parce que dans le bouddhisme, c'est pas vraiment mieux de ce côté-là, et même dans ce qu'on pourrait appeler des espèces de, comment dire, de modèles de vie complètement athées, mais par exemple le communisme tel qu'on a pu le connaître en Union soviétique à une certaine époque, c'est pareil, c'était pas bien, quoi. Le plaisir, c'est pas bien. Quand on parle de quelqu'un qui aime le plaisir, on va dire c'est un jouisseur, et quand on dit c'est un jouisseur, dans nos sociétés, c'est extrêmement péjoratif. Un jouisseur, c'est quelqu'un qui va vivre de façon extrêmement égocentrique, pour lui-même, pour son propre plaisir, et qui donc n'est pas productif, ne participe pas à la production que l'on attend de lui dans une société. Voilà. Donc c'est tout ça que j'essaye de mettre en évidence. En même temps, moi, j'ai pas, quand je fais Extase, j'ai pas un discours. Là, je suis en train de décoder ce que je fais. J'ai pas un discours. Je dis pas ça. Je me contente de montrer les choses. Oui, puis mais ça a une résonance politique, évidemment. Et j'aurais envie, en fait, j'utilisais le terme intime aussi. Bon, il y a sexualité, il y a intime. Il n'y a pas d'exhibitionnisme, j'ai l'impression. En fait, moi, j'en ai pas ressenti en le lisant. Uh-huh. Parce que, justement, on est toujours dans le contexte, on est toujours dans les enjeux, dans la réalité, sans pudeur nécessairement, mais sans exhibitionnisme non plus. En fait, vous réussissez, j'ai l'impression, à surfer sur cette ligne-là. Oui. Bah écoutez, ça c'est le ton que j'ai essayé de trouver. Bon, j'ai eu une conversation, j'explique dans la presse, enfin le petit texte que j'ai mis en avertissement au lecteur au début du livre, que Régis Loisel, avec qui j'ai fait Magasin Général pendant les 9 dernières années, a beaucoup œuvré pour que je fasse Extase. Il avait très très envie que je fasse ce livre-là. Il connaissait mes histoires et ça l'intéressait beaucoup de voir comment je pourrais les raconter. Justement, je lui disais, mais comment est-ce que je peux raconter ça? Et un jour, il m'a dit, mais tu devrais raconter ça comme quand tu m'en parles. Donc de la façon la plus naturelle et la plus sincère possible, voilà. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. J'ai essayé de raconter cette histoire au plus près de la façon dont moi je suis dans la vie, voilà. C'est-à-dire plutôt enthousiaste, naturellement enthousiaste, je dirais, plutôt joyeux et puis avec de l'humour, j'espère, avec de la distance. Enfin voilà, c'est tout ça que j'ai essayé de mettre dans l'Extase pour que le récit soit agréable et drôle. J'espère que c'est drôle surtout. Oui, en fait, et j'imagine que quand on se lance aussi dans un sujet comme ça, on se dit, ok, on n'embellit pas. Il faut être honnête. Il faut aller jusqu'au bout, oui, dans cette honnêteté-là, si on peut dire. Absolument. Alors ça, c'est une règle que je me suis fixé dès le début. Hein. C'est un engagement que j'ai pris avec moi-même et du coup avec les lecteurs. Mais c'est de raconter que la vérité, mais toute la vérité. Donc en fait, on voit bien dans le premier tome, mais ça sera encore peut-être pire dans le second, que je suis pas toujours à mon avantage. Hein. S'il y a des moments où, voilà, c'est pas un catalogue de performance du tout. C'est même le contraire, on pourrait dire, sans être non plus une espèce de conduite de loser. C'est pas le cas, c'est entre les deux, c'est des bons moments puis des mauvais, comme dans la vie, quoi. En fait, j'essaie de, voilà, c'est ça, c'est une histoire de vie, hein. C'est une histoire de vie, mais c'est une histoire de vie qui raconte les choses, encore une fois, telles qu'elles se passent dans la vie. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que si j'avais fait un livre exactement avec le même mode narratif que Extase, mais au lieu de parler beaucoup de sexualité, j'aurais parlé de ma passion pour la cuisine, par exemple. Voilà. J'aurais montré comment on coupe les légumes à menu, comment on prend plaisir à les mettre dans la poêle, à les faire revenir, etc., à les épicer, enfin, comment tout ça, tout ce côté agréable de faire la cuisine. Si j'avais fait ça, personne m'aurait posé la question. Personne m'aurait, se serait étonné en me disant, mais comment vous avez choisi de... Voilà, parce que, pourquoi? Oui, parce que peut-être que justement... C'est bien la question que ça pose. Oui. En fait, et en même temps, c'est vrai qu'on se la pose peut-être un peu moins pour la cuisine, mais d'un autre côté, il y a moins d'intimité aussi. C'est parce que littéralement, en fait, j'ai l'impression que vous mettez nu devant les lecteurs dans ce livre-là, littéralement et figurativement, comme vous êtes oui, en montrant. Oui, encore une fois, parce qu'on est dans une société dans laquelle la nudité, par exemple, est une chose qui est proscrite. Effectivement. Enfin, en tout cas, elle est jugée. Voilà, donc c'est... Enfin, bon, là, ici, au Québec, je pense que c'est plus... c'est beaucoup plus cool qu'en France, de ce point de vue-là, mais je peux vous dire, en France, par exemple, en ce moment, il y a une espèce de retour, enfin, vous avez vu tout ce qui s'est passé, vous avez entendu tout ce qui s'est passé quand il y a eu l'histoire du mariage pour tous, il y a quelques années, etc., etc., donc il y a un retour de l'ordre moral qui est extrêmement inquiétant, et... franchement, on voit aujourd'hui des choses qui font débat, par exemple... L'ouverture d'un camp naturiste, hein, un camp naturiste où les gens peuvent vivre entre eux nus, ça soulève des débats n'en plus finir, des histoires. Bon, ça c'est quand même, dans les années 70, c'était pas comme ça. Hein, dans les années 70, c'était pas du tout comme ça même. Ça ne posait aucun problème. Et donc, il y a une espèce de retour de l'ordre moral aujourd'hui qui est extrêmement inquiétant et qui va également... avec une espèce de, enfin, qui est le pendant d'une espèce de, comment dire, d'explosion en même temps du porno, par exemple. Hein. Depuis qu'il y a Internet, le porno a littéralement explosé, donc on a toutes sortes d'images de non filtrées, et dans absolument toutes les représentations des fantasmes humains, quels qu'ils soient, donc il y en a beaucoup, on le constate. Voilà, et donc, c'est ces deux extrêmes qui sont là en train de s'observer, de s'invectiver, de s'affronter. Et moi, j'essaye de trouver une voie entre les deux qui soit une voie tranquille et, comment dire, et voilà, qui parle de ces choses-là avec en les dédramatisant, vous voyez, en étant le plus naturel possible, quoi, en disant que ça fait partie de la vie. Oui, puis en fait, on a l'impression peut-être un peu qu'à un moment donné, vous avez pris une posture, si on peut dire, dans votre vie, où vous avez dit, ben ok, moi j'ai pas envie de vivre nécessairement avec plein de fantasmes non aboutis. Ouais. J'ai une curiosité, je vais oser aller vers cette curiosité-là pour voir, puis prendre une décision par la suite, si on peut dire. C'est ça, mais si vous voulez, bon, ça après, il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en ligne de compte. Hein. Je veux dire, dans ce qui nous détermine, bon, voilà, il y a le fait qu'on venait à une époque donnée, dans un milieu donné, dans un lieu géographique donné. Moi, je suis né en France à la fin des années 50, dans une famille communiste. Donc ça suppose dans le sud de la France, dans une région qui est particulière, qui était une région qui était très à l'époque très très libérale, quoi, qui n'était pas une région, vous voyez, comme la Vendée par exemple, où l'influence catholique est très forte. Donc on est beaucoup plus conservateur. Nous, dans le sud-ouest, c'était plutôt ouvert. Hein. C'est un endroit qui avait eu l'influence, par exemple, de tous les républicains espagnols qui se sont réfugiés en France au moment de la guerre civile espagnole. Donc, les républicains de gauche, voilà, qui sont arrivés. Donc, vous voyez, il y a tout. Enfin, là, je reparle de politique, parce que c'est important, tout ça, dans cette histoire-là. Donc, il y avait ce contexte-là. Et puis, il y a aussi qui on est, soi-même. Je veux dire, mon frère, par exemple, qui a eu exactement la même éducation que moi, n'a pas le même parcours que moi. Donc, pourquoi, moi, je suis ce mélange-là, à moitié composé de chromosomes de mon père et de ma mère, mais c'est pas les mêmes que ceux de mon frère. Et donc, cet ensemble de choses a fait que je suis qui je suis. Et il se trouve que moi, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours eu envie d'aller découvrir le vaste monde. Voilà. Aujourd'hui, je vis au Québec, alors que je suis né dans ce petit village du sud de la France. Mes pérégrinations m'ont conduit finalement à un moment donné à habiter à 7000 km de mon lieu de naissance. C'est tout le monde ne fait pas ça. Et il y en a d'autres qui le font plus. Voilà, je suis comme ça. Donc, dans le domaine de la sexualité, ça a été pareil. J'avais envie de découvrir des choses. Comme j'ai eu envie aussi de faire une profession que tout le monde ne fait pas. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires. C'est ça, c'est comme ça. Et justement, ben, de se dire, ok, j'ai justement sur le plan de cet intérêt-là une histoire qui est pertinente à raconter dans un contexte social où on n'ose plus aller vers ce type de sujet-là. Et donc, ok, on fait le choix de se lancer, on fait le saut de l'ange et on commence à travailler sur un récit comme celui-là qui est très autobiographique aussi, au bout du compte, qui est sur la construction d'un individu. On revient un peu à ce qu'on disait au départ. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je pense que c'était. Alors, en même temps, il y a une chose, hein, c'est que c'est une histoire que j'aurais pas pu raconter il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, je n'étais pas arrivé, si vous voulez, au stade de comment dire d'acceptation de moi-même. Vous voyez, il faut assumer pour pouvoir raconter une histoire comme ça, il faut assumer totalement qui on est, parce que sinon, on peut pas. Hein. Donc, mais en même temps, quand on assume quelque chose, il y a aucune raison de ne pas en parler. Mmh. Hein, donc il a fallu ce travail. Bon, là moi je vais avoir 60 ans là dans quelques mois. Donc je pense que c'est ça, c'est un âge qui me permet d'avoir, si vous voulez, un recul par rapport à ce qu'a été ma vie, et notamment cette période là dans le tome 1 de la découverte des jeunes années, puisque ça parle de l'adolescence, enfin même de l'enfance et l'adolescence, quoi, et jusqu'à jeune adulte, on va dire. Le tome 1 se termine quand j'ai 22 ans à peu près. Voilà. Mais dans les tomes suivants, je vais également aborder, par exemple, le rapport au corps, au changement de son propre corps au cours de sa vie. On n'a pas le même rapport à son corps quand on a 40 ans ou 60 ans que quand on en a 15 ou 17 ou 20 ou 30. Voilà. Donc il y a tout ça qui va aussi intervenir, parce que vous parliez de construction de soi-même, mais c'est la construction, elle se poursuit tout au long de la vie. Hein. Tout au long de la vie, on évolue, on voit, voilà, on a des espèces de de saut quantique à certains moments, on ne voit plus les choses de la même façon parce qu'il s'est passé un événement dans notre vie qui fait que hop, ça va nous changer la vision, etc., etc. Enfin bon, voilà. Oui, puis déjà aussi à un moment donné au fil du temps, puis c'est très présent dans le premier tome, les postures morales qu'on décide de prendre par rapport à certains enjeux, à certaines réalités, l'idée de tromper quelqu'un, le concept de tromper mm-hmm. quelqu'un, la question de la prostitution, la morale là-dedans, ouais. Comment on place, il y a des moments charnières. Comment on s'arrange avec ça? Comment on s'arrange entre son propre sens de l'éthique, on va dire, et les réalités de ses propres envies. Hein? Je connais quand même, j'ai connu et je connais énormément de couples qui n'ont pas réussi à résoudre ce problème-là. Parce que je pense que c'est un problème auquel sont confrontés beaucoup de couples, à savoir que au bout de quelques années, on commence à regarder, on a un peu fait le tour de la question, et on commence un petit peu à regarder à droite à gauche. Bon, alors comment on règle ça? Parce que on vit nous dans une société qui nous vend le modèle du couple romantique et pour la vie. Mmh. Hein, c'est ça notre idéal. Les comédies romantiques américaines nous vendent ça à longueur de pellicule. Donc, et pas qu'elle, hein, mais bon, voilà, c'est notre modèle, comme ça. Et sauf que le problème, c'est que ce modèle, il se heurte à une réalité, qui est la réalité des envies qui sont pas forcément toujours les mêmes tout au cours de la vie. Donc, il y a des couples qui sont infidèles. Alors, ils se trompent en cachette tant que l'autre n'est pas au courant, tout va bien. Et si jamais ils sont au courant, là, c'est la grosse tromperie et donc ils se séparent ou alors ils ont une crise. Enfin, bon, vous voyez, ça, c'est un des schémas fréquents, hein. Ou alors ils finissent par arriver à la conclusion que il faut qu'ils se séparent parce que là c'est fini, ils ont fait le tour de la question et puis ils ont envie de passer à autre chose. Il y en a d'autres qui choisissent d'être des couples ouverts de différentes façons. Il y a plein de façons d'être des couples ouverts. Voilà, ça pose toutes ces questions. J'ai pas la solution, hein, je le dis tout de suite. Mais vous exposez justement vos réactions. Voilà. En fait, comment vous étiez positionné à l'époque, et même dans le cas de la prostitution, il y a le positionnement de l'époque, mais il y a aussi un écho où vous nous amenez en 2014 aussi pour voir comment le Jean Boutrip d'aujourd'hui se positionne. Absolument. Face à ce qui s'est passé à l'époque. Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça c'est une question que je voulais régler. Parce que, quand j'étais plus jeune, effectivement, je ne me posais pas les problèmes de la même façon qu'aujourd'hui. Et puis, le monde évolue, on évolue. Des problèmes qui étaient... justement, des choses où on ne voyait pas de problème commencent à émerger. Regardez tout ce qui se passe en ce moment avec les histoires de harcèlement sexuel, etc., etc. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est encore une évolution. Quand il se passe un phénomène comme celui-ci en ce moment où les femmes commencent à sortir de à pouvoir enfin dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elles ont vécu et qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien, ça nous interroge à nous les hommes sur notre propre comportement. Est-ce que je peux affirmer que dans ma vie jamais je n'ai été un petit peu lourdingue avec une fille, un peu insistant, etc., etc. Je sais pas. Bon, moi je suis tellement timide que c'est pas vraiment dans mon schéma, mais enfin quand même, on sait pas, peut-être qu'on l'a été, probablement que je l'ai été à un moment donné. Bon, à partir du moment où on commence à en prendre conscience, ou à partir du moment où la parole commence à pouvoir se libérer, on peut commencer à en prendre conscience, et là on peut commencer à changer de comportement. Donc voilà, ça c'est aussi une parmi les problématiques qui peuvent être posées par Extase. Oui, puis en fait, à la limite, c'est que ça devient un dialogue aussi où le lecteur a ses propres expériences, a son propre mm-hmm. parcours, a pas nécessairement fait les mêmes explorations, mais il y a une correspondance, en fait, et ne serait-ce que dans la découverte de la sexualité, dans le jeune âge, l'adolescence, il y a déjà nécessairement fait une expérience à partager, et en même temps, dans un contexte où il y a pas tant de livres qui parlent de façon honnête, sincère, de ce type de situation-là, qui ne sont pas des livres soit pornographiques ou soit des livres scientifiques, on pourrait dire. Là. Non, mais il y en a extrêmement peu, voire pas du tout, hein, en fait. J'ai l'impression que tel que... Alors, il y a déjà eu des livres qui sont des autobiographies, notamment qui parlent de sexualité, Moi, bon, il y en a sûrement plusieurs, enfin, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais moi, j'en connais deux, en tous les cas, qui ont été importants pour moi, qui sont le journal de Fabrice Nour, qui est un roman graphique, une série de romans graphiques, il y en a eu quatre, je crois, qui sont parus dans les années, à la fin des années 90. Et puis, il y a un livre, alors là, c'est pas une bande dessinée, c'est un livre qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine M., de Catherine Millet. Bon, moi, c'est des lectures qui ont été très importantes, mais tel que moi je le rencontre, c'est-à-dire en étant moi, je ne suis ni Fabrice Nour ni Catherine Millet, donc j'ai pas le même parcours et je ne suis pas la même personne. Donc la manière dont moi je raconte les choses, je n'ai pas vu de encore, enfin je, à ma connaissance, je n'ai pas vu voilà. Donc effectivement, c'est alors du coup. Vous imaginez que dans les deux derniers mois, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de séances de signature un peu partout en France. Et donc, j'ai eu beaucoup de réactions et beaucoup de lecteurs me disent, notamment des lecteurs qui seraient plutôt des hommes, alors dans ma tranche d'âge, on va dire même un peu plus jeune, disons à partir de 40 à 70 ans, s'identifient beaucoup en me disant « mais là, ça me rappelle tellement ce que j'ai vécu, moi, pendant mon adolescence, etc., etc. » voilà. Et puis, après, il y a des gens qui seront confrontés par ce qu'ils lisent, parce que, tout d'un coup, ça leur donne, ils se disent « mais là, peut-être que moi, je suis en train de passer à côté d'un truc, parce que j'ai, moi, j'ai des envies que je n'ai pas réussi à, ou que j'ai pas osé... exprimer ou assouvir, etc., etc. Donc j'ai eu des couples, par exemple, qui m'ont expliqué que ça leur avait permis de parler de choses dont ils n'avaient jamais parlé en 25 ans ou 30 ans de mariage. La lecture d'Extase. Donc les deux horizons sont couverts, si on peut dire. Oui, je pense. Ouais. Et en fait, on le mentionnait, en fait, c'est le tome 1. Il y a 4 tomes qui sont prévus. Il y a trois tomes. Ouais. Est-ce que c'est un tome par année ou Non, parce qu'il me faut, vous voyez, celui-ci, j'ai mis 2 ans pour le faire. En fait, après Magasin Général, j'ai pris un petit break quand même. Donc le dernier Magasin Général est sorti il y a 3 ans et moi j'ai pris un petit break. J'ai pris 9 mois après avoir fini Magasin Général et j'ai mis 2 ans pour faire le tome 1. Alors le problème, c'est que je ne sais pas combien de planches va faire le tome 2, combien de pages il va faire, je ne sais pas. Le tome 1, je l'ai su 10 pages avant la fin, puisque je travaille comme... Enfin, c'est de l'écriture, vous voyez, donc j'ai pas un récit préétabli à l'avance. Hein. Je ne sais pas du tout... je sais ce que je vais raconter, puisque c'est ma vie, mais après, dans le détail de comment je raconte telle scène, où est-ce que je choisis de raconter celle-ci plutôt que celle-là, et comment j'organise tout ça, ça, je sais pas encore. Donc, du coup, je sais pas combien de pages ça va faire, et ça m'est donc difficile de donner une date, mais en gros, je dirais que c'est un coup de 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, quoi. Et déjà, de toute façon, le premier tome est aussi très complet, une belle lecture sur laquelle on peut mettre la main. Jean-Louis Tripp, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, juste une dernière chose, si vous permettez, c'est de dire que le lancement va avoir lieu jeudi prochain. Donc le jeudi 9 à 17h à l'Orage, qui est un club assez connu de Montréal, et donc il y aura une rencontre qui va être organisée avec les lecteurs et une séance de signature en 5 à 7. Alors l'invitation est lancée. Jean-Louis Tripp, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà, je rappelle Jean-Louis Tripp, donc auteur de cette bande dessinée Extase, tome 1, où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X, et c'est un livre qui est disponible du côté de chez Casterman. on poursuit ici à La Vie en BD. Raymond Poirier est toujours avec vous jusqu'à 18h30. On continue de parler de 9e art. Et je vous rappelle d'ailleurs aussi, vous pouvez trouver toutes les émissions en balado, diffusion sur laviembd.wordpress.com. Et également, vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et on change radicalement d'univers comparativement à la première entrevue. On va maintenant plonger dans la sphère de la bande dessinée Jeunesse, un nouveau magazine qui a été lancé par les éditions Rémi Paradis qui s'appelle The Kelvin Mag, qui est donc une extension magazine du projet The Kelvin qui est porté par le collectif Mabel et Le depuis quelques années. En fait, Mathieu Benoît et Léon Leclerc. Léon Leclerc est avec nous pour en jaser. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai situé un petit peu, il y a le projet, donc, The Kelvin, qui est un projet de publication web, des publications auto-éditées, des animations événementielles ou scolaires. Et donc, exact. Là, il y a la dimension magazine qui vient se greffer à tout ça. Exact. Disons que la version magazine, c'est une surprise, c'est une initiative de Rémi Paradis, qui voulait entreprendre une approche jeunesse au niveau du magazine, une approche évidemment BD jeunesse. Donc, il voulait commencer avec la bande dessinée Kelvin et éventuellement, avec l'évolution du magazine, voir greffer d'autres BD jeunesse. Et vous, The Kelvin, c'est un personnage que vous tenez depuis un certain temps avec Mathieu Benoît. Et auparavant, en fait, ça fait depuis 1995, vous êtes dans l'offre éducative, dans l'organisation d'événements, dans l'enseignement. Et de cette expérience-là, éventuellement, vous en êtes venu, donc avec Mathieu Benoît, créer ce personnage qui nous amène entre donc la Terre actuelle et entre des conflits intergalactiques également. Là. Exact. Et pour aller même un petit peu plus loin, il faut dire vers l'infini plus loin encore, c'est que Kelvin aussi, c'est une petite charge à fond de train contre les différents travers que nous avons en tant que société à être humain, en se servant évidemment d'un garçonnet très exubérant et très joyeux. Et qu'est-ce qui vous a amené justement vers ce personnage-là à l'époque? C'est, je pense, en 2006, 2000... Ça fait un certain temps que vous l'avez, là. Au début de tout, ce personnage-là, c'était une idée qui est apparue dans le temps où on avait de gros fascicules. Puis ça s'appelait déjà, je disais, Kelvin, mais c'était Attaque le Christ et non le crétin. Donc, de là, ça allait évoluer pour, après trois versions, aboutir aux The Kelvin qu'on connaît maintenant. Ça fait seulement 3 ans là, que vraiment on est sérieux avec cette bande dessinée-là. Et puis, ce qui m'a allumé vraiment au niveau scénario, c'est, je découvre depuis quelques années, le conformisme, non seulement latent, mais qui est apparu au Québec et qui s'affiche avec force. On le voit à différentes sphères, en économie, en culture, en religion, peu importe. Et dans les écoles, qui sont presque rendues les nouvelles églises, par moments, tellement c'est conforme aussi. Les règlements municipaux, peu importe. Je trouve qu'il y a une lourdeur à ce niveau-là, puis je me suis dit, tiens, il y a matière à fesser dans le dash, un peu comme à la belle époque des années 70 et 80 avec les magazines comme Pilote, Harakiri, Fluide Glacial. Mm-hmm. Donc, reprendre un flambeau, mais évidemment en se moquant avec bonheur, je trouvais qu'un enfant, pour se moquer avec bonheur, c'est toujours plus intéressant qu'un adulte avec une Kalachnikov. Oui, puis en fait, au niveau humoristique, c'est que là, on va vraiment autant vers l'absurde que vers l'humour corporel. On joue un peu avec toutes les dynamiques qu'on peut exploiter avec ce type de personnage-là. Exactement. Puis ça permet aussi de permettre... Il y a deux niveaux de narration. Il y a tellement d'action à la manga, finalement. C'est beaucoup emprunté à la manga ou à la limite à Bugs Bunny, mais au niveau, évidemment, papier. Ça permet aussi des fois des clins d'œil à soit à Gottlieb ou à San Antonio, à des esprits... un peu incisif de ce genre-là pour rester toujours dans le domaine de l'humour. Donc, ça permet de créer un deuxième niveau de lecture qui est intéressant là, pour les adultes qui ont envie de ce genre, évidemment, de lecture-là. Oui, ben en fait, un peu dans la lignée aussi, en fait, j'ai l'impression d'une certaine renaissance d'une nouvelle BD jeunesse québécoise, si on peut dire, avec des productions comme La Jean-Jean, Gibi, qui ont connu des gros succès, il y a des éditeurs qui se donnent à fond là-dedans. Donc, on vient un peu ajouter une pierre, si on peut dire, à cet édifice-là. Oui, c'est il n'y avait pas l'intention de répondre absolument à un public jeunesse. En même temps, on se rend compte qu'il y a deux lectorats. Puis ce qui est intéressant, c'est que notre lectorat jeunesse est plus vieux que celui de la Jean-Jean. Il y a une espèce de continuité. Vraiment, j'ai lu de la Jean-Jean, puis je me rends compte qu'il y a vraiment une continuité. La Jean-Jean s'adresse un petit peu plus jeune et nous, un peu plus vieux. C'est fascinant de voir comment... C'est pas voulu, là, mais c'est apparu comme ça. Puis bon, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? J'ai aucune idée, mais en même temps, je trouve intéressant de voir comment les astres sont en train de s'aligner. Et dans le fond, la production qu'on trouve en format magazine, c'est dans le fond des rééditions des histoires, d'histoires en fait qui avaient été publiées en version web, puis pour vos abonnés aussi. Donc c'est des histoires en fait qui sont construites peut-être un peu en dialogue presque avec un certain public. Oui, exact. Bon, évidemment, il y a eu quelques adaptations vu que le format web est à l'horizontale. Donc, pour aller vers un format à la verticale, il y a eu quelques adaptations et même par moments des modifications au niveau du... des ajustements, je devrais dire, au niveau du scénario. Exemple, des déplacements de pages, des choses comme ça pour vraiment bien faire en sorte que le 16 pages soit complet en tant que tel. Ce que le web nous donne plus de facilité dans ce sens-là. Mais avec un 16 pages, on doit beaucoup plus être concis et plus direct au but. Et justement, en fait, dans le format magazine, en plus du récit, c'est que là, on rajoute d'autres éléments, des jeux, des illustrations. Donc, c'est, est-ce que dans le fond, on vous a donné un peu carte blanche pour inventer un magazine autour des histoires de Zach Elven? Oui, c'est carrément des cartes blanches à part de Rémi Paradis. C'est lui que je suggérais d'avoir une affiche au centre, d'avoir aussi un jeu. D'ailleurs, je voudrais le remercier, ça m'a permis d'exploiter d'autres facettes un peu folles que j'ignorais de ma personne. Et puis, c'est à ce niveau-là, il fait un travail d'éditeur, vraiment. Donc, ça me permet de rester créatif ou rédacteur, ou peu importe le terme qu'on peut donner. Et lui, de ses suggestions, et surtout son expérience d'éditeur, c'est vraiment enrichissant. Et j'imagine que comme créateur aussi, c'est de voir ces histoires-là, ben de pouvoir les proposer à des nouveaux publics avec un nouveau contexte de distribution et de diffusion. Donc ça donne un autre air d'aller, si on peut dire. Exact. Vous venez exactement de résumer. Je peux pas dire mieux. Bravo. Et au niveau de Zach Elven, donc il y a les histoires du magazine. Vous continuez aussi de faire les autres itérations, les animations. Donc c'est j'imagine que on va puiser aussi un peu, comme vous dites, que si on remixe un peu les éléments, on va puiser dans la connaissance du personnage qu'on a aujourd'hui pour aller faire évoluer les histoires qu'on avait faites à l'époque? En partie. On garde quand même, c'est pas tant que les histoires évoluent, elles sont adaptées en fonction du format du magazine en tant que tel, parce qu'on est limité au nombre de pages. Oui. Et on doit faire en sorte que le rythme s'impose par lui-même. Donc, il y a des ajustements à faire. Ça reste que c'est la même histoire en bout de ligne. Là, ce qu'il y a une nuance à apporter, une nuance qui n'a rien à voir avec le magazine, mais beaucoup plus au niveau des animations, c'est important de savoir si on va travailler avec du Zach Elven ou travailler avec le contexte de la bande dessinée pour faire participer. Dans le fond, les jeunes à l'école ou quand il y a des adultes, ça arrive aussi qu'il y a des fois qu'il y a des adultes. Donc, dépendant du contexte, c'est là qu'on choisit ou non d'utiliser Zach Elven. Et évidemment, si on va voir un peu plus d'informations sur Zach Elven, sur l'univers que vous proposez, ben on a simplement cherché Zach Elven dans l'outil de recherche, on va tomber dessus, c'est pas mal certain. Au niveau du magazine, oui. On parle d'à peu près 500 points de distribution à travers le Québec, et il y a un prochain numéro qui s'en vient en décembre. Exact. Donc justement, la production graphique comme telle est terminée aujourd'hui. Donc, Rémi Paradis va m'en venir avec les modifications, corrections, suggestions. Et ça part en production la semaine prochaine. Alors, on continue de suivre ça attentivement. Léon Leclerc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À une prochaine. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était Léon Leclerc, donc du collectif Mabel Lele, donc le collectif derrière The Kelven, avec Mathieu Benoît. Et nouveau magazine, comme on l'a dit, lancé du côté des éditions Rémi Paradis. Alors nous, on retourne une dernière fois en musique dans cette émission avec la formation Light Shift. On écoute un nouvel extrait de leur album Shift Up, Down, Wait. Dernière ligne droite de la vie en BD, ligne droite qu'on partage avec notre non-libraire en résidence, Marco Duchesne de chez Pantoute. Bonjour. Salut. Et Marco, comme à l'habitude, quelques regards, quelques suggestions, lectures. Et on commence avec un premier, tiens. Ben oui, là, j'arrive avec un spécial comics parce que je le vois dans ton regard. Tu te poses la question, Raymond, tu me dis, en me regardant, tu t'interroges, mais... Que se passe-t-il dans le monde des comics en traduction francophone? Qu'est-ce qui est accessible ces temps-ci? Quelles sont les nouveautés à surveiller? Tout ça dans ton regard, tu vois, j'interprète un peu. J'ai un regard lourd. Voilà. Alors, je suis là pour ça. Et je vais te dire qu'est-ce qui est à surveiller ces temps-ci en comics. Dans le comics, le monde merveilleux des traductions américaines, le comic indépendant se porte très bien. On a d'excellentes traductions qui se font et maintenant tout ça est accessible. Et aussi dans le monde merveilleux de Marvel et DC. Et on le sait maintenant, des auteurs extraordinaires écrivent pour les ces super-héros qui autrefois avaient une mauvaise réputation, mais maintenant tout ça est comme corrigé. Mais en fait, il y a des récits qui sont arrivés qui ont donné comme un peu crédibilité au genre, voilà. J'ai l'impression. Alors, ça continue de sortir. Évidemment, nous, on privilégie toujours la BD francophone, mais européenne, franco-belge et tout ce reste, mais il sort d'excellentes choses en ce moment en comics, dont voici quelques titres. D'abord, chez Marvel, Panini en France traduit Marvel, on a eu droit récemment à la publication du fameux Marvel Event, qu'appelle, c'est-à-dire un événement Marvel, c'est-à-dire que pour une mini-série, on inclut un événement dans lequel se retrouvent tous les super-héros. Et c'est Jonathan Hickman, le scénariste, c'est un des scénaristes, c'est un scénariste incroyable. Écoute, c'est lui à qui on doit East of West, Manhattan Project. Quand il fait des projets solo, c'est toujours extraordinaire. Mais là, il a travaillé pour les super-héros et à chaque fois, ça a été vraiment un événement. Ben, en fait, j'imagine que ça doit pas être évident de dire, OK, on va chercher plein de trames narratives, développer ça et là. Voilà, alors, on les met sans que ça ait l'air de plugger des visages, là, dans le fond. Ouais, et quand il a commencé, moi, j'ai le projet de ce qui est paru, ça s'appelle Secret War. Les guerres secrètes. Secret War. C'est, unir tous les univers et en faire un événement. Mais lui, il l'a pas fait comme ça. En fait, cet événement-là date d'il y a 2 ans, quand il a commencé avec les New Avengers et les Avengers. Et quand s'est ouvert la première page des New Avengers, on voyait Reed Richards, des Fantastic Four, parler à d'autres super-héros et commencer par dire « Tout meurt. Tout va mourir. » Et c'était ça le projet de Hickman, c'était de tout détruire. Les univers Marvel, on sait qu'il y a de multiples univers et chaque univers rentrait en collision avec l'autre. Et à mesure qu'avançait cette série-là, les New Avengers et les Avengers, chacun des univers rentrait en collision jusqu'à temps à la fin qu'il en reste que 2. Et quand les 2 sont rentrés en collision, s'est produit un événement, c'est Secret War. Dans cet événement-là, le Docteur Doom, le pire des vilains. Pour moi, c'est la sommité des vilains parce que il combine 2 choses, l'occulte et la science. Mais dans Secret War, il devient Dieu. Il devient l'empereur, le dirigeant d'un univers dans lequel on retrouve, il a épousé dans cet univers-là, Sue Richard et ses enfants sont à lui. Docteur Strange et son grand vizir et sa police. C'est tous les torts qui a existé. Alors, il y a une grande créativité et inventivité. L'imaginaire de Hickman, c'est ça. C'est reprendre tous ces éléments-là et les recombiner pour donner ce truc-là, c'est-à-dire Secret War, où Dr. Doom, évidemment, bon, il est là, ouais, et évidemment, il va y avoir une rébellion qui va faire en sorte qu'on va remettre l'univers à l'endroit, là. Et j'imagine que des récits comme ça, Marco, enfin, on rentrera pas dans l'univers des BD, des comics avec Secret War, mais par contre, dans le fond, c'est de se dire de suivre le cycle de Hickman, oui, pour en arriver à Secret, voilà, War. C'est là, on sait qu'on a quelque chose de monumental, par exemple. Voilà. Alors, évidemment, la BD américaine, tout ce qui est super-héros, c'est, j'admets qu'on ne rentre pas par n'importe quelle porte. Par contre, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'avoir accès à un univers soit Marvel ou DC grâce à des éditions où on fait un cumulatif d'un super-héros, on fait une anthologie des meilleurs pour... Grâce à Internet, sur Wikipédia, on peut aller chercher des informations sur ce qui s'est passé avant. Tu comprends? Maintenant, tout ça est de plus en plus accessible. Mais même la grande force de Hickman, c'est qu'on peut y rentrer et se laisser aller et voir. C'est un raconteur. Il ne pas avoir besoin d'avoir Wikipédia ouvert tout le temps. Voilà, à côté, c'est un foutu storyteller qu'il appelle en anglais, là, un raconteur. Là. Et je me rappelle, il a écrit un événement avant qui s'appelait Infinity. Et là, il racontait sur trois fronts une guerre intergalactique sur trois fronts avec tous les super-héros qui existent ou presque. Et on arrivait à suivre ça, c'était haletant, c'était vraiment là un, c'était un page-turner Infinity. Et dans le cas de Secret War, c'est d'une grande intelligence. Alors moi, je vous conseille fortement d'essayer. Et je pense que ça peut donner le goût peut-être à reculer, à aller voir les autres événements. On n'est pas obligé de suivre un super-héros en particulier, c'est-à-dire Spider-Man, Fantastic Four, Captain America. Les événements sont en soi des récits complets puis et tellement bien racontés depuis le début. Là, je parle à Civil War, je pense à Secret Invasion. Bref, c'est tous des événements, dont ceux d'Hickman surtout. Ils sont vraiment à ne pas manquer. Alors, ceux-là, c'est Secret War. Et quand tu mentionnais Infinity, ça m'a fait penser à la série de Trondheim qui voilà, s'amuse dans ouais, le comics. Voilà, ça porte aussi le même nom. En fait, Infinity, celle de Trondheim, s'appelle Infinity 8. Et là, il y en a une nouvelle aussi, Trondheim. Trondheim, maintenant... c'est drôle que t'en parles. Je pense que c'était mon... je l'avais mis. Je ne me rappelais plus. Fallait pas que tu dises le punch. Ça avait l'air tellement spontané. C'est vrai que ça avait l'air spontané. C'est parce que je me rappelais plus que je l'avais mis. côté comique... Eh bien, les Français, se sont mis au comique. Et Lewis Trondheim, on commence à comprendre qu'il aime ça, les comiques. Avec Infinity 8, il avait commencé à jouer avec ça. Et là, il arrive vraiment avec un comique. Et au scénario, Trondheim s'est associé avec deux comparses, Stan et Vance. Stan et Vance, c'est des dessinateurs, mais qui en sont pas à leur premier truc de super-héros. Sauf que eux, ils faisaient de la BD, et ils faisaient des chez Delcourt, ils avaient quelques séries qui avaient vraiment des allures de comics, mais eux le faisaient en format européen, normal à l'époque, on connaissait pas. Alors, Trondheim s'associe avec des vétérans français qui savent faire du comic. Et ça donne quelque chose de... Density, ça s'appelle Density. Alors, mais ce que j'aime beaucoup de Density, c'est que Density, mon accent était vraiment à chier. En tout cas, Density, c'est le comique, mais avec le regard européen, tu sais, le petit truc humoristique, clin d'œil des Européens. Density, c'est une bande de jeunes adultes, une jeune fille, dans une promenade dans un désert. Ces gens-là, c'est un gars, trois filles. Soudain, apparaît un extraterrestre dont on comprend pas la langue et qui menace, il est menaçant, et il finit par tirer avec une espèce de fusil appareil, quelque chose, qui touche une des filles. Et à partir de là, cette fille-là va se mettre à développer des pouvoirs. Mais évidemment qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne contrôle pas, et c'est très drôle. Là, on n'en est pas à « j'ai mes pouvoirs et je vais affronter le mal ». Non, dans le premier tome, on en est à apprivoiser tout ça, la situation. Et les dialogues sont très drôles. Ça, la force des Français, des Européens, de la BD européenne, a toujours été les dialogues. Le punch. La ligne. Tu sais? Et là, c'est dedans, mais avec l'intensité du comique. Alors, vraiment, là, je vous conseille fortement si vous voulez commencer à vous y mettre au comique, commencez donc par celui-là, en France, en, en français. Pourquoi pas avec des références voilà. Aussi à l'européenne, surtout si on fait le saut justement. On parle des fois d'albums comme ça qui sont des ponts, il y a des oui. exemples, en fait comme Jiro Taniguchi est un pont vers le manga. Oui, pour ceux qui connaissent pas voilà. le manga, Trundem devient peut-être à sa façon un pont de la BD franco-belge vers le comics américain. Je pense que oui, celui-là, oui. Et même Dan City peut en être, sauf que l'essai qu'ils avaient fait, je sais pas si tu te rappelles, Dan City le premier, pas Dan City, Infinity 8, la première, cette série d'albums de Trundem où mm-hmm. c'est la même histoire, mais revue par plein de dessinateurs, mais ils changent l'histoire. C'est la même histoire, mais ils changent les éléments. Oui, c'est assez particulier quand même. C'est particulier. Mais rappelons-nous que le premier tome est paru en comic. Effectivement. Voilà. Alors, c'est vraiment, il y a une volonté chez Trundem de vouloir commencer à faire du comic américain en français. Et en terminant peut-être sur un petit 2 minutes sur Batman, tu sais. Ouais, ben pour te dire que Batman, c'est comme tu le sais, c'est mon préféré et que je suis assidu à ces séries à côté américain. Je suis abonné à toutes les séries Batman pour le meilleur et souvent pour le pire. Et qu'en français, ça me permet de surveiller le meilleur. Alors, je vous dis qu'est sorti un titre qui s'appelle All-Star Batman. C'est une série à part, évidemment, de ce qui est Détective Comics et Batman. C'est All-Star Batman. C'est une série qui a été scénarisée par Scott Snyder, qui est un excellent scénariste, qui nous avait donné une bonne grande série, 2 ans de Batman incroyable. Et là, dans cette série-là, All-Star Batman, il est avec Romita Junior, un grand dessinateur américain. Et là, Romita Junior est à son meilleur et l'histoire est tellement bonne. Batman doit ramener double face à un endroit. Il est à 600, quasiment 1000 kilomètres de là. Il va traverser les États-Unis pour ramener double face. Alors, il va s'en passer des choses, là. C'est à découvrir, en fait, pour les amateurs de Batman. Puis encore là, peut-être des portes d'entrée intéressantes aussi. Ben, je pense que oui, parce que tout ça se lit et est un peu indépendant, ce qui fait que ça donne une bonne occasion de dire, ah ben, si je veux aller voir qu'est-ce qui s'est fait avant, il s'est préparé à ce qui va se passer après. Ça, c'est important d'être prêt. Marco Duchesne, merci beaucoup. Plaisir. Et on se dit à très bientôt. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, à La Vie en BD, on aura Jean-Sébastien Bérubé qui nous parlera de Comment je ne suis pas devenu moine. On aura Karine Paquin et Bac qui nous parleront de leur fée pissenlit et plus. Alors, ce rendez-vous, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une bonne soirée, une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.